C'est une loi qui ne souffre d'aucune exception, une loi universelle entre les filles et les garçons. Eux ont besoin de prendre l'air avec leur groupe d'amis, qui aux yeux de leurs copines n'est qu'une bande d'abrutis. Elles peuvent le garder pour elles, ou l'insinuer discrètement, ou le clamer haut et fort, mais elles ont le même sentiment. Elles aimeraient bien qu'ils aillent tous se faire voir par les Grecs. Les filles n'aiment jamais la bande de potes de leurs mecs. C'est une boîte de Pandore, une source de prise de bec. Les filles n'aiment jamais la bande de potes de leurs mecs. Je ne veux plus que tu les vois, dira-t-elle d'un ton sec. Les filles n'aiment jamais la bande de potes de leurs mecs. N'aiment pas, mais alors pas du tout quand ils débarquent à l'improviste à la maison. Et qu'en 5 minutes ils embarquent, leur chérie pourra les faire la tournée des bars sans dire quand ils rentreront. Mais ce sera sûrement très tard, tout en les maudissant. La pauvre fille esselée se console comme elle peut en se faisant un plateau de télé. Elles aimeraient bien qu'ils aillent tous se faire voir par les Grecs. Les filles n'aiment jamais là. Bande de potes de leurs mecs, c'est une boîte de Pandore, une source de prise de bec. Les filles n'aiment jamais là. Bande de potes de leurs mecs, je ne veux plus que tu les vois, dira-t-elle d'un ton sec. Les filles n'aiment jamais là. Bande de potes de leurs mecs. C'est ensuite que se révèle le secret universel, une loi seulement connue par toutes les filles entre elles. Elles savent bien que leurs mecs ont besoin de la ramener, sinon ils perdraient le sens de toute leur virilité. Les garçons ont besoin de croire que les filles n'aiment pas leurs potes pour prouver à la terre entière qu'ils portent bien la culotte. C'est une loi universelle entre filles et garçons, les mecs n'aiment pas du tout qu'on les prenne pour des cons. La morale de cette histoire, vous la connaissez. Aimez-vous les uns les autres, arrêtez de vous entretuer.